pierre qui roule beaucoup. Alors pour ne pas amasser les problèmes lors du contrôle technique de mon auto, je vais chez Citroën, car en ce moment le pré-contrôle technique est à faire. Et s'il faut réparer, eh bien pour toute prestation supérieure à 300 €, le contrôle technique est à 1 € seulement. Bref, deux offres comme celle-là, moi Pierre qui roule beaucoup, je dis merci beaucoup Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 décembre 2019 dans les points de vente Citroën participants. En détail sur citroën.fr. On a passé un excellent moment dans ce Laissez-vous tenter et il est grand temps d'accueillir Julien Courbet, très élégant, dans un costume que j'observe. Oui, effectivement. Ici. Vous rentrez au gouvernement ? Non, vous faites bien. Vous nous feriez un beau secrétaire d'État au budget. Exactement, et voilà, comme tout le monde, on a débattu des propositions que j'ai faites hier avec 100 € d'augmentation pour les salariés. On a voulu savoir comment les patrons réagissaient parce que c'est pour eux. Écoutons le patron du PSG qui va devoir donner 100 € de plus à Neymar et à Mbappé. C'est pas facile, c'est absolument clair pour nous. C'est un grand défi, c'est un grand challenge, mais je pense que nous sommes bien préparés et nous sommes prêts pour ça. Vous voyez, le service comptabilité du Paris Saint-Germain est déjà prêt de toute façon, donc il n'y a pas à s'inquiéter, c'est ce que je voulais dire à tous ceux qui nous écoutent. Oui, il faut les apaiser tout de suite, vous avez raison. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Et nous vous souhaitons une excellente émission que nous écouterons avec plaisir. Vous avoir fait un petit bonjour, je vais vous faire un petit au revoir. À bientôt mon Yves, à demain. Salut. C'est parti pour Marie-Françoise, pour Véronique, pour Arnaud, écoutez ce que nous dit Véronique ce matin. Je vous appelle du Val d'Oise. Je suis passée par un plombier pour réparer une fuite d'eau au niveau de notre lave-vaisselle. Non seulement il nous a pris 2 000 € en jouant avec notre carte bancaire qu'il a utilisée plusieurs fois, mais en plus, il a imité notre signature pour justifier sa facture alors que nous avions signé un devis pour 495 €. Nous sommes peut-être, mais je ne m'avance pas, avec le champion de l'année, peut-être. On verra d'ici quelques minutes. Nous avons également Marie-Françoise qui nous a dit ceci. Je vous appelle d'Ille-et-Vilaine. On a confié la construction de notre maison à une entreprise de la région. Depuis, les façades intérieures et extérieures se transforment dangereusement en lézardes. Une expertise est accablante et met en cause le constructeur. Mais il ne fait rien. Ça, c'était hier. C'est vrai que la situation est inquiétante. Nous avons appelé des tas de gens. Nous allons voir s'il s'est passé des choses et nous allons y revenir parce que c'est un cas d'urgence. La maison est en mauvais état. Et puis, nous aurons Arnaud rapidement écouté. Lui, c'est la chanson que j'ai chantée tôt ce matin, Joby Djerba. Je vous appelle des Yvelines. On a payé 2 372 € pour un séjour à Djerba. Sur place, on a vite demandé à être relogé. Les draps étaient tachés, la couette sentait l'urine, la chasse d'eau était cassée, la télé était HS. Au lieu de nous reloger, figurez-vous que l'on a été expulsé de l'hôtel. Voilà, vous voyez que ça donne envie de partir en vacances. Pour régler ces problèmes, il y a la grande avocate pénaliste, Maître Novakovic. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Spécialiste des draps qui sentent l'urine, il y a Maître Philonneau qui est avec nous. Elle a fait sa thèse là-dessus quand elle était en droit. Hervé et Bernard sont là, tout le monde est là. Bonjour. N'hésitez pas à nous joindre en direct dans l'émission. Vous faites le 32-10. 50 centimes d'euros la minute. Ou gratuit Facebook, la page, ça peut vous arriver. Gratuit aussi, RTL.fr. Si tu te fais arnaquer, pas la peine de paniquer. Faut appeler Julien Courbet. J'accueille Véronique sur l'antenne d'RTL. Bonjour Véronique. Bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Vous nous appelez d'où Véronique ? Du Val d'Oise. Bon, Véronique, qu'est-ce que vous faisiez partie là, des 17 millions hier qui ont regardé le président Macron ? Oui. Bon, ça vous a plu ? Oui, très bien. Bon, parfait. Vous voyez, un bon divertissement. Vous voyez, ça change un peu parce que vous mettez toujours la grande vadrouille, le cornu, etc. Là, au moins, ça varie un peu. Alors, Véronique, je vous écoute. Alors, un samedi soir, nous appelons un plombier pour réparer une fuite d'eau au niveau de votre lave-vaisselle. Donc, deux hommes se présentent. Nous demandons le tarif, il nous met en confiance en nous disant « Ne vous inquiétez pas, on est agréé assurance, on s'occupe de tout, vous n'avez rien à régler. » Donc, il répare la fuite. Ensuite, il nous établit la facture de 495 € et il nous demande un plafond de garantie bancaire de 1 000 € afin de s'assurer que l'assurance lui règle la prestation et nous affirme qu'on ne sera jamais débité. Il passe ma carte bancaire, il nous dit « Pas de réseau », il la repasse deux fois, ne fonctionne toujours pas. Il demande celle à mon mari qui passe sans souci. Et deux jours après, les 2 000 € sont débités de notre compte. C'est grave, hein, donc, ce que vous dites la Véronique. Donc nous allons bien sûr vérifier tout ça. Appeler bien sûr aussi la partie adverse pour qu'elle puisse nous dire mais ce que raconte cette dame, c'est complètement faux parce que, c'est grave. Maître Novakovic, je vous pose la seule et unique question qui se pose dans ces cas-là. C'est même pas sur le remboursement, il est évident, mais c'est Est-ce que c'est du pénal ? Alors, Julien, si Véronique dit vrai, il est vrai qu'on peut considérer qu'il s'agirait là d'un abus de confiance. Donc, c'est très, très important qu'il nous donne ses explications. Il faut vraiment l'appeler. Donc, on rappelle qu'aujourd'hui, ce que vous réclamez, c'est que l'entreprise de dépannage vous restitue les 1 500 euros prélevés en trop. Est-ce que vous les avez déjà appelés, Véronique, en leur disant « Vous vous rendez compte de ce que vous m'avez fait ?» Ah bah oui, tout à fait. Donc, j'ai appelé la banque déjà quand j'ai eu les 2000 euros de débité. Elle ne peut rien faire contre des cartes bancaires. Oui. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et après, bien sûr, j'ai appelé la société qui me dit « Oui, c'est une erreur, nous allons vous rembourser. » Je les ai appelés plusieurs fois. Hein. Ah, ils vous ont dit « C'est une erreur, nous allons vous rembourser. » Oui, bien sûr, oui, ils vont d'accord. nous rembourser. Il n'y a pas de souci, ça fait 3 mois quand même de ça. Bon. Hein. Eh bien, nous allons les appeler. Maître Novakovic, un dernier mot. Déjà, c'est très bien s'ils indiquent qu'ils vont rembourser. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Donc maintenant, il faut faire en sorte qu'ils passent à l'acte. Mais par contre, j'ai un coup de gueule, Julien, concernant le fait que systématiquement, quand il y a des dépannages comme ça, à chaque fois, ils disent « Attention, c'est génial, vous avez l'assurance oui. qui prend en charge, etc. » Et ça, c'est la méthode systématique, quasi systématique de ce genre d'opération, de gens qui interviennent en urgence. Là, permettez-moi de rappeler une nouvelle fois ce qui s'est passé quand même. On est bien d'accord que le coût de la garantie bancaire, c'est une grande première en 20 ans d'émission. Mmh. On va vous prendre 1 000 euros, c'est une garantie. Alors qu'est-ce que c'est que cette garantie bancaire ? On n'en sait rien. Et après, rappelez-nous, il y a également l'histoire du chèque. Hein. Oui, oui, en plus, c'est toujours pareil. Systématiquement, on demande des chèques, on les garde comme garantie, etc. Les c'est vraiment bancaires. Des procédés extrêmement désagréables. Ah, pas une carte bancaire, c'est la garantie. Ça, c'est. Voilà. Offrez 2-3 chèques, ça c'est vous ça. Assurez-vous. C'est pour caler les dossiers. Je vois la petite lampe en porcelaine, là. Je vais la prendre aussi. Ça, c'est pour la garantie du plombier. Ça, c'est nouveau. Oui. Ça s'appelle la garantie du plombier. On prend toujours une lampe hein, avec nous. Et puis, voilà, la voiture, là, vous allez me laisser les clés. C'est la garantie du joint, ça. Nous allons donc, si vous le voulez bien, appeler maintenant cette entreprise. Non, mais on rit, mais c'est quand même grave que oui, ça oui. puisse encore exister, ce genre de choses. Toujours et après... plus loin. Attendez, Véronique, ça sonne. Vous nous direz ce qu'il y a après. Nous allons prendre votre appel dans quelques instants. Merci de rester en ligne. Ah, c'est un Simpson. Il parle un peu comme Homer. Comme ça, nous allons voir, c'est une voix synthétique, ça. Mais là, enfin, il est de retour depuis le temps qu'on l'attendait. Marcel Le Trigean et son piano magique. Ah. Eh oui, Marcel Le Trigean qui était parti, rappelez-vous, pour une tournée en Asie. Oui. Et on s'était dit, il ne reviendra jamais chez nous parce qu'il triomphe là-bas, il fait des stades anciens. Mais là, il revient. Avec ce titre, qui est celui certainement qui lui a permis d'être connu du grand public. Bienvenue, notre service client est momentanément indisponible. Voilà, c'est toujours plus nous facile quand un service client est indisponible, ça évite comme ça d'avoir les plaintes des clients. Avons-nous d'autres numéros, s'il vous plaît, Charlotte ? Oui, il n'est pas disponible pour le moment. C'est ça, le deuxième numéro ? C'était le deuxième. Merci. En revanche, on a encore 2 autres numéros. Ce ne sont pas les numéros directs de l'entreprise, mais les numéros que Véronique a composés le soir de la panne. D'accord, le soir de la panne, d'accord, on y va, c'est parti. Après, Véronique, ne vous inquiétez pas, je sais que vous avez commencé une phrase... Bienvenue, nous allons prendre votre appel dans quelques instants. On revient au merci même. De rester en ligne. Non ? Il n'y aura peut-être pas le petit piano. Ah ? Il n'y aurait plus Marcel Prigent. Marcel Prigent, je peux te dire que quand il est dans la place, il ne laisse personne d'autre arriver. Il ne lâche rien. Il lâche rien. Il n'est pas idiot, il sait qu'il a une bonne place. En plus, avec les déclarations hier soir, il va gagner plus. Allô ? Bonjour, je suis chez Pruvot France Service. Ah non, pas du tout. Ah, alors, je suis sur la plateforme qui appelait... quel était le nom de la plateforme, Véronique ? Ah, je sais pas, il n'y avait pas de nom. On tombe sur une plateforme bon, qui nous passe bref, un plombier. La dame qui a appelé là, monsieur, je me présente déjà, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. La dame que vous venez d'entendre a appelé ce numéro que je viens de faire un soir où elle avait une panne, et il y a un plombier qui est venu, qui visiblement faisait partie de Pruvot France Service, donc vous travaillez automatiquement avec eux ? Ah, pas du tout. Vous ne les connaissez pas ? Non, on ne s'est pas trompé parce que c'est le numéro qu'il y a sur le... visiblement sur les papiers, monsieur. Allô ? Ah, bah écoutez, ça m'étonnerait. Eh bah écoutez, je vais le refaire, mais je risque de retomber sur vous. Moi, je vais faire le numéro qu'il y a sur le papier officiel qu'a eu cette dame, qui a eu de gros soucis par la suite, puisque apparemment, d'après ce que dit notre avocate ici présente, il y aurait même du pénal là-dedans, puisqu'il y a eu une espèce de fausse caution, un chèque aurait pu être. Vous voyez, c'est très grave. Donc, monsieur. Si elle a un numéro de facture, elle appelle le numéro qui est sur la facture. Nous, on n'est pas eux. Donc, je suis désolé. Donc, vous n'avez rien à voir avec Pruvot Service. Mais alors, vous êtes qui ? Vous êtes une plateforme où, quand on a un problème de plomberie, etc., on vous appelle ? Ah ben alors nous on dessert plusieurs numéros de téléphone, mais en tout cas cette société on connaît pas, donc si cette dame elle a eu affaire avec quelqu'un, elle a une facture, elle appelle le numéro de la facture, c'est tout. D'accord, ben oui, mais le numéro, et, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, elle a appelé ce numéro, monsieur. Alors JB, notre journaliste qui a enquêté là-dessus. Écoutez bien, écoutez bien, allez-y. Oui, bonjour monsieur. Alors moi aussi, c'est pas la peine de parler. On peut discuter, monsieur. On est là entre gens sympas, on peut avoir un dialogue. Oui, on va pas se couper la parole comme ça. Écoutez le juge. Je suis concerné. Mais justement, monsieur, monsieur, écoutez vous bien, avez, écoutez ce qu'il vous dit. De la société qui a intervenu, voilà. Elle a appelé le 01 79 72 50 00 le soir où elle a eu un problème. Est-ce que c'est votre numéro, monsieur ? Pas du tout. Ce n'est pas votre numéro. Alors, je vais le refaire, c'est le numéro qu'on a fait pourtant. Alors, vous allez voir, monsieur, que vous êtes en possession d'un numéro sans même le savoir. Donc, faites maintenant, s'il vous plaît, le 01 79 72 50 00. Il n'y a aucun problème parce que ce n'est pas le numéro de ce monsieur. Voilà. Alors là, il vient de raccrocher, voilà, le monsieur, on le fait sur une autre ligne. Dans ma vie, bien souvent, on m'a pris pour un pignouf, mais ce matin, je dois le dire. Ah non, mais là, c'est extraordinaire. Ah, là, c'est le... Bon, alors, la cuvée spéciale. C'est la grande cuvée, mais je le sentais, vous avez vu, j'ai la truc qui s'est mis en l'air, je sentais qu'on allait trouver du pétrole. Alors, récapitulons. Véronique a un soir un problème. Elle appelle une plateforme téléphonique qui lui dit « on va vous envoyer quelqu'un ». Effectivement, ils doivent travailler avec plusieurs sociétés, dont... Alors, il y a marqué Pruvo, France Service, Véronique, sur votre feuille ? Oui, oui, c'est ça. Alors, on va essayer de trouver maintenant... Alors, le gérant est Julien Pruvo. Monsieur Julien Pruvo, vous êtes rue Charles V à Paris dans le 4e. Auriez-vous l'amabilité de bien vouloir nous rappeler ? Car des choses graves ont été dites sur l'antenne d'RTL et nous voulons absolument que vous puissiez nous dire que tout ceci est faux, puisqu'il est question d'une espèce de caution que vous auriez pris par carte bancaire. Après, il y a une histoire de chèques qui ne sont pas très bons. Donc tout ceci pourrait être du pénal si c'est vrai. Je ne dis pas que c'est vrai. Je veux juste vous demander, monsieur Pruvo, de bien vouloir nous le dire. Mais au numéro de Pruvo France Service, pour l'instant, personne ne répond. Donc Véronique, pour l'instant, et avant d'appeler la direction des fraudes, vous attendez que ce monsieur puisse s'exprimer. Nous allons le rappeler d'ici quelques minutes. Vous avez le temps de vous faire un vieux café, d'accord ? D'accord. Je vous souhaite un bon café, je vous dis à tout à l'heure. Bon, qu'avez-vous à dire, Maître Novakovic, sur ce que vous avez entendu ? Bon, je suis complètement scandalisée parce que non seulement ces personnes ont été débitées de sommes indues, mais surtout, ces interlocuteurs refusent le dialogue et ça, c'est scandaleux. Ouais, surtout quand il dit qu'il ne connaît pas, encore une fois, c'est une plateforme. Donc, c'est une plateforme qui, après aiguille, on est bien d'accord, JB. C'est ce que vous vouliez nous dire, d'ailleurs, tout à l'heure, mon pauvre JB, on vous a coupé la parole. Oui, ce que je voulais vous dire, déjà, c'est que c'est la même musique, la même voix au niveau de l'accueil avant qu'on ait la personne, donc c'est quand même assez troublant. Et puis, moi, quand j'ai appelé aussi, on m'a bien dit, oui, on travaille avec Pruvo France Service, on me l'avait dit, en tant que client. Mais évidemment, mais de toute façon, on sait bien qu'il y a, c'est des organisations très, très complexes, mais il y a 40 sociétés, mais il y a la même personne derrière. Seulement, on donne plein de noms comme ça, ça permet d'en fermer une dès qu'on a des ennuis, mais de continuer à prendre les contrats sur la deuxième. Tout ceci, on le sait. Donc, ce monsieur ne sait pas qu'il envoie des clients chez Pruvo, on lui a appris, comme il ne sait pas que le 01 79 72 50 00 est son propre numéro. Mais on lui a appris également. Mais tiens, refaisons-le pour voir si ça sonne le 01 79 72 50 00. Alors ça s'appelle Plombier Paris. Nous allons prendre votre appel dans quelques instants. Donc c'est exactement le même répondeur que quand on fait directement Pruvo Service. Faites Pruvo Service maintenant en parallèle, Charlotte, pour qu'on voit bien que c'est exactement le même numéro. Donc là, on est toujours sur le premier. Et là, on bascule sur Pruvo Service. Bienvenue, voilà. Nous allons prendre le votre appel dans quelques instants. Le hasard veut que c'est exactement merci le même de rester répondeur. En ligne. Vous coupez les deux. Allô ? Donc ce monsieur, il a tenté sa chance. Bonjour. Et il a bien fait de me prendre pour... Ah, attention, nous avons peut-être une alerte. Vous entendez Hervé Pouchol qui est en ligne. Un dépannage, le dépannage, le premier numéro que nous avons appelé, le deuxième, pardon. Oui, bonjour monsieur, je voulais parler à la société Pruvo France Service. Oui, je vous écoute. Bonjour, c'est vous Pruvo France Service ? Tout à fait. Bah, parfait, tant mieux, monsieur. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, monsieur. Et je suis avec Véronique Masson, qui a eu des gros soucis, nous dit-elle. Alors, on s'est dit, on va tout de suite appeler Pruvo France Service pour qu'ils nous disent que ce n'est pas vrai. En deux mots, Véronique, pouvez-vous redire à ce monsieur ce qui vous est arrivé ? Oui. Donc, un samedi soir, nous appelons un plombier pour réparer une fuite d'eau au niveau de notre lave-vaisselle. Deux hommes se présentent. Nous demandons le tarif, il nous met en confiance en nous disant « Ne vous inquiétez pas, on est agréé assurance, on s'occupe de tout, vous n'avez rien à régler. » Il répare la fuite, bon, pas de souci. Ensuite, il nous établit une facture de 495 € et il nous demande un plafond de garantie bancaire de 1 000 € afin de s'assurer que l'assurance lui règle la prestation et nous affirme qu'on ne sera jamais débité. Il passe ma carte bancaire, il ne nous dit pas de réseau, il la repasse deux fois, ne fonctionne toujours pas. Il demande celle à mon mari qui passe sans souci. Deux jours après, les 2000 euros sont débités de notre compte. Et l'histoire du chèque ? Alors, un mois... Déjà, on va laisser monsieur essayer de comprendre tout ça. Vous le récupérez, s'il vous plaît, Hervé. Je marque une pause. Vous voyez, monsieur, c'est quand même très grave parce qu'il y a plein de cartes qui sont passées. On lui a fait croire. Ah, il a raccroché. Aïe. Donc, chez les Pruvaux, on n'aime pas communiquer. On se retrouve dans une seconde. Attention, énorme dossier ce matin. Et pendant les 125 jours au champ, c'est le Noël d'Élise qui change. Avec 50% en cagnotte sur une sélection de jouets comme la poupée, Baby Alive est malade. 50% Élise. Alors oui, avoir un enfant en plus à la maison, c'est fatigant. Mais l'avantage avec celui-là, c'est que quand il pleure, t'enlèves juste les piles. Dès demain et jusqu'au 24 décembre, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent Baby Alive est malade à 49,90€ plus 50% en cagnotte. Et votre Noël change. Auchan. Soit 24,95€ cagnotte déduite, montant crédité sur votre compte Wahoo, conditions sur Auchan.fr. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch Renault fait son palmarès. Meilleur son, Clio Trend avec la radio Connect Erengo. Meilleur décor, Clio Trend et son décor extérieur chrome. Et prix du meilleur prix, encore Clio Trend à partir de 9 990€. French Touch touche française. Pour Clio Trend TCE 75 sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 12 ans et d'éligibilité à l'écoprime Renault de 1 200€ et gouvernementale de 1 000€ déduite. Offre valable jusqu'au 31 décembre. Voir Renault.fr. Carrefour. Chez Carrefour, il y a 10€ en bon d'achat tous les 30€ d'achat sur tous les vins et champagnes. Non mais c'est dingue, 10€ en bon d'achat sur tous les vins et champagnes. Résultat des courses, c'est qui la reine des économies? C'est moi. Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 10€ en bon d'achat tous les 30€ d'achat sur tous les vins et champagnes avec votre carte Carrefour. Carrefour. Offre limitée à 90€ d'achat, bon d'achat valable du 17 au 23 décembre, carburant, drive et service. Modalité magasin participant sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Bien, d'un côté, il y a le cas de Véronique. C'est une grosse fuite d'eau chez elle. Un samedi soir, elle a signé un devis de 495€ avec un plombier, mais elle est débitée de 2 000€. Alors qu'on lui a dit qu'il y avait une espèce de caution bancaire qui ne serait pas débitée, on a passé 3 fois les cartes. Après, il y a cette histoire de chèque. J'aimerais qu'on le rappelle, cette histoire de chèque, s'il vous plaît, Maître Novakovic. Oui, effectivement. Parallèlement, il a demandé un chèque de caution. Toujours est-il que le plus important et le plus grave n'est pas le chèque, c'est le problème des débits qui devaient être des cautions également et devaient être crédités sur le compte commun. Or là, aujourd'hui, on voit des débits sur le compte, c'est ce que je constate. On constate également qu'il y a une plainte déposée par notre auditrice, plainte qui a été acceptée, je le précise, même si c'est obligatoire, on voit qu'elle n'a pas eu de difficulté parce que même au niveau du commissariat, ça a été considéré comme très grave. Dans quelques instants, nous allons passer au deuxième cas. Nous attendons d'avoir Pruvaux France Service, 14 rue Charles V à Paris 4. Et dans une seconde... On reviendra sur les dossiers de Marie-Françoise. Gros cas d'urgence, sa construction avec sa maison est plein de fissures. Les photos sur le Facebook de l'émission. Je regarde juste sous la table pour voir. Alors, maître Félonneau est concerné. Elle est en bas nylon ce matin. Ah. Quand elle passe dans ma rue, la fille en bas nylon. La fille au bas nylon, c'est bien sûr Julien Clerc. Il y a le cas de Véronique, nous l'avons vu avec cette histoire. Je voudrais juste un petit point supplémentaire, car nous avons compris qu'ils sont venus, ils lui ont dit c'est votre assurance qui vont payer les réparations de plomberie, mais si jamais l'assurance ne paie pas, je vous prends une caution qui ne sera pas débitée. Elle a été plus que débitée, et après il y a une autre histoire de signature sur un contrat, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, c'était pas une histoire de chèque, j'arrêtais pas de dire à Maître Novakovic, mais parlez du chèque. À chaque fois il disait non, Julien, pas le chèque, mais si, parlez du chèque. Mais en fait, le chèque n'a rien à voir là-dedans, c'est elle qui avait raison, c'était une question de contrat. Oui, parce qu'ils ont, d'après notre auditrice, imité sa signature. Et là, c'est encore plus grave, c'est faux, usage de faux, vous imaginez. Là, on cumule, effectivement, les incriminations pénales. Donc, attention. Attention, il faut que M. Pruvot nous rappelle, voilà, pour régler tout ça. M. Pruvot, s'il vous plaît, à qui nous pourrions chanter Mon Pruvot, c'est pour lui faire, pour qu'il nous appelle. En plus, c'est vrai, reconnaissez, tu es le plus beau des plus beaux. Et tu répares les lavabos avec ce qu'il y a de plus beau. Les cautions qui vont... Allez, bref, nous nous retrouvons dans une seconde avec le cas numéro 2, s'il vous plaît. On reviendra sur le dossier de Marie-Françoise qui est passée hier dans 9h30-11h. Elle a confié la construction de sa maison à un professionnel, ouais. Mais il y a des fissures partout. Énorme cas, Maître Félonneau, nous y revenons dans quelques instants. Il faut vraiment l'aider parce que là, elle a peur pour sa maison. RTL vous aide avec le sourire chaque matin entre 9h30 et 11h. Merci d'être là. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter l'offre du jour. Les millions, les millions, les millions, les millions. Aujourd'hui, pour l'achat d'une bouteille AOP Lussac Saint-Émilion Rouge 2017 Expert Club, la deuxième est offerte. Et c'est seulement jusqu'à ce soir dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Bouteille de 75 centilitres, modalité et magasin participant sur noël.intermarché.com. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Avec Conforama, Noël est plus beau. En ce moment, avec la carte Confo Plus, Conforama vous reverse 15% sur l'achat d'une nouvelle cuisine. 15% sur votre cagnotte. Encore une très bonne raison d'avoir la carte Confo Plus. Conforama, jusqu'au 16 décembre, conditions en magasin et sur Conforama.fr. Père Noël, je voudrais plein de chocolat pour moi, papa, maman et mamie. J'ai rempli ma hotte de coffrets Réhouté chocolat. Et il y en a pour tous les gourmands. Venez en magasin déguster nos chocolats de qualité. Recettes artisanales et coffrets à partir de 8,60€ seulement. Réhouté chocolat, fabricant chocolatier français. Goûtez. Vous verrez, pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Chers voyageurs, on approche tous ensemble de Noël et on se faufile dans la vallée des forfaits mobiles. Couvrez-vous, hein ! Ici, les prix descendent à 0€. Ah oui, 0€, c'est la magie de Noël. Et ça fait surtout chaud au cœur. Oui, oui. À Noël chez SFR, il gèle sur les prix. Jusqu'au 7 janvier, le forfait starter est à 0€ par mois, puis 4€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions réservées aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois. Pour Noël, offrez un livre. Pharaon de Christian Jacques. L'incroyable histoire du pharaon que l'on surnommera plus tard le Napoléon égyptien. Un livre XO. Pour Noël, offrez un livre. Et si on était bienveillant, de Patrick Sébastien. Une invitation tendre et sincère à faire le premier pas vers l'autre. Un livre XO. Pour Noël, offrez un livre. Erectus, de Xavier Muller. Des lecteurs unanimes. Un roman si crédible que cela en devient effrayant. Un tour de force. Un livre XO. La bonne idée cadeau. Leclerc. Chérie, viens voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Le mercredi 12 décembre chez Leclerc. Et ce mercredi-là seulement. 30% de tickets Leclerc sur tout le rayon jouet. Mais non, tout le rayon jouet. Poupées, peluches, jeux de société, pâtes à modeler, petites voitures. Oh. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Le 12 décembre, vous bénéficiez de 30% de tickets Leclerc sur l'ensemble du rayon jouet. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Mercredi 12 décembre, on va jouer chez Leclerc. Sport 2000. Alors, comment ça se passe chez Sport 2000? Dans notre magasin de ponchoirs à Surturdine, que du bonheur, Antoine Griezmann. La preuve, avec notre sélection de Noël. Jusqu'au 24 décembre, par exemple, la veste Sherpa Homme Quicksilver est à 49,95€, soit 41% de remise. Ça match. Joyeux Noël, Antoine Griezmann. Sport 2000. Ça match. Voir conditions sur sport2000.fr. conditions en magasin. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Le cas numéro 1 est en attente. Nous attaquons maintenant le cas numéro 2. Nous y revenons. J'ai l'impression que Hervé Pouchol est en train de parler à quelqu'un sur le cas numéro 1. Il essaie d'avoir M. Julien Prévost sur le cas numéro 2. Alors apparemment, il pourrait l'avoir. Il me fait signe. Attention, mesdames et messieurs, ça pourrait bouger. Donc sur ce cas de dépannage, de fuite d'eau. La société Prévost. Alors, écoutez, c'est parfait. Parfait. Alors, allô, vous m'entendez? Allô? Allô, la société Prévost? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour, monsieur Julien Courbet. Nous sommes en direct, au moment où je vous parle, en direct sur la radio RTL. J'ai eu tout à l'heure la société Prévost et on nous a malheureusement, ça a raccroché malencontreusement. Est-ce que je pourrais parler à un gérant pour des choses assez graves qui ont été racontées sur l'antenne et nous voulions absolument avoir un interlocuteur de chez Prévost France Service pour nous dire ce qui s'était passé? Alors, soit Julien Prévost... Non, Gérant, je ne peux pas vous le passer. D'accord. Pour l'instant parce qu'il n'est pas là, mais vous renseignez sur un client, oui. Alors, ok. Alors, Hervé Pouchol, je vous le repasse parce que nos auditeurs ont déjà entendu l'histoire et Maître Novakovic également a été avec lui, va vous parler parce que vous allez voir, il y a quand même des choses qui se sont passées assez graves et il faut que vous puissiez rassurer la cliente. Je vous passe quelqu'un. Merci, monsieur. Bravo, Hervé, pour cette connexion. Nous en saurons plus dans quelques instants. Alors, Maître Félonneau, nous allons écouter maintenant, si vous le voulez bien, ce que nous a dit Marie-Françoise hier. Je vous appelle d'Ille-et-Vilaine. On a confié la construction de notre maison à une entreprise de la région. Depuis, les façades intérieures et extérieures se transforment dangereusement en lézardes. Une expertise est accablante et met en cause le constructeur. Mais il ne fait rien. Nous allons y revenir après les infos. Des photos sont sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Grosso modo, hier, il y a eu plusieurs appels. On s'est aperçu qu'une filiale amenait une autre filiale qui a voilà, mené une maison. Voilà, on s'est aperçu qu'en réalité, on avait affaire à un très gros groupe qui a un service juridique que nous avons contacté. Et ce service juridique nous a dit oui, mais certes, j'ai bien reçu la déclaration de sinistre de Marie-Françoise en mai. Mais on nous a dit également qu'elle avait un petit peu tardé à faire la déclaration à sa propre assurance, puisque c'était en octobre. En octobre, et on a demandé. Quel est le nom de l'assurance? Pouvez-vous nous donner cette déclaration que l'on puisse avancer? Et là, la dame nous a dit, j'arrête de vous parler. Donc on ne sait pas vraiment si la déclaration a eu lieu. Certainement qu'elle a eu lieu. Nous voulions juste avoir cette précision. Alors, d'ici quelques instants, Marie-Françoise, vous êtes en ligne? Julien, bonjour. Bonjour, je vous demande de patienter encore un tout petit peu. Là, ça bouge beaucoup en direct. Je vous retrouve juste après les infos et vous allez nous dire s'il y a du nouveau. A tout de suite sur RTL. Si quelqu'un vous propose de rochemazer, ne vous étonnez pas. Rochemazer, c'est savourer en toute simplicité des vins et des arômes issus du Pays d'Oc. On peut par exemple rochemazer sur des tapas, rochemazer en rouge sur une côte de bœuf ou en blanc sur du fromage. Sauvignon, merlot ou encore syrah, on peut vraiment rochemazer avec toutes les saveurs. Rochemazer, des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Leclerc. Chérie, je regarde le menu du traiteur Leclerc, là. On prend bien une bûche pour les fêtes? Bah, évidemment. Ok, je vais nous commander une bûche Giandugia noire. C'est bien, ça. Une quoi? Une bûche Giandugia noire. La rencontre entre des noisettes torréfiées et un chocolat noir 73%, c'est le top. Pour des fêtes réussies, profitez du service traiteur Leclerc. La bûche Giandugia noire de 550 grammes est à 10,90€, soit 19,82€ le kilo. Commande en magasin et sur www.traiteur.leclerc. Je commande, je retire en magasin et je fais un carton au dessert. Pour votre santé, évitez de grignoter. Oui. Lui, c'est Nanouk l'Eskimo. Il a des crevasses au bout des doigts. Ça fait très mal. Heureusement, Urgo a développé Filmogel Crevasse Main. Un film transparent qui referme, protège et soulage. Oh. Urgo Filmogel Crevasse, traitement des crevasses, dispositif médical. Pour plus d'informations, consultez la notice avant utilisation ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? Alors, c'est semaine de luxe? Eh ben, va falloir bûcher, hein. Parce que dès demain, la bûche de Noël glacée en forme de chalet est à 9,99€ les 485 grammes. Quoi? Vous êtes bouché ou quoi? La bûche de Noël glacée est à 9,99€. Moins de 10€ la bûche? Je suis scié. Ah ça, un chalet au chocolat et praliné, biscuit crumble cacao et sauce caramel, eh ben ça met l'eau à la bûche. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 20,60€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, évitez de grignoter. C'est le moment. Le moment de vous joindre aux millions de personnes qui organisent des joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Zoom vous offre une vidéo parfaite, une audio très claire et un partage instantané sur tous les appareils mobiles, les tablettes ou les appareils de bureau. Mais ce qui est le mieux avec Zoom, c'est que ça marche, tout simplement. Alors, fini les distractions, joignez-vous au mouvement et à vous les joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Visitez zoom.us/fr pour créer votre compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. Si vous voulez rochemazer et explorer de nouvelles saveurs, un conseil, les accords de rochemazet rouge avec une verrine de canard à la mangue. Rochemazet, des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Énorme dossier de dépannage, énorme ce matin avec Maître Novakovic et puis cette maison qui se fissure, tout ceci est à suivre juste après les infos d'RTL. Il est 10h. L'information sur RTL, c'est avec vous Bénédicte Tassard, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Il assume le financement des annonces d'Emmanuel Macron ce matin sur RTL. Richard Ferrand reconnaît que la France va devoir sans doute creuser le déficit public de manière strictement temporaire, ajoute le président de l'Assemblée nationale. Pour financer les 5 mesures pour le pouvoir d'achat exposées hier par le chef de l'État, nous dépasserons donc bien les 3% de déficit autorisés par Bruxelles, mais le déficit public reviendra en dessous de ces 3% en 2020, assure Richard Ferrand. Après le président hier soir, c'est au tour du Premier ministre. Cet après-midi, devant les députés à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe doit fixer les contours des mesures sociales. Augmentation de 100 euros des salaires au niveau du SMIC, exonération de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2000 euros par mois ou heures supplémentaires payées sans impôts et sans charges. Hier soir, l'allocution du chef de l'État a été suivie par 21 millions de personnes sur les 3 chaînes de télévision. TF1, France 2, M6, sans compter les chaînes d'infos continues ou les radios comme RTL qui ont retransmis cette actualité. Économie toujours avec l'emploi salarié qui progresse lentement au troisième trimestre de cette année. D'après les statistiques publiées ce matin par l'INSEE, plus 0,1% seulement, 15 000 nouveaux postes créés. L'emploi recule dans la fonction publique et il augmente modérément dans le privé. C'est le 14e trimestre consécutif de hausse pour les création nette d'emplois salariés en France. À Marseille, le conseil municipal reporté hier par Jean-Claude Gaudin aura finalement lieu le 20 décembre prochain. Une réunion très attendue après l'effondrement il y a un mois de 2 immeubles vétustes en plein centre-ville, ce qui a provoqué la mort de 8 personnes. Depuis, Jean-Claude Gaudin est au centre de vives critiques. Ce conseil municipal doit entériner plusieurs mesures d'urgence, notamment la prise en charge des frais d'obsèques des victimes ou encore la gratuité de l'accueil en crèche pour les enfants évacués. À Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, ce sont les agriculteurs qui manifestent contre le report de la loi alimentation. Ce matin, une vingtaine de tracteurs a déversé des bennes de fumier devant plusieurs supermarchés. La Bourse de Paris, ce matin, le CAC 40 a ouvert à la hausse à plus 0,83%. Les courses, ça se passe à Cabourg cet après-midi, 16 partants pour le tiers écarté Quintet Plus. Et voici les pronostics de Bernard Glass. Le 10, le 15, le 7, le 6, le 3, le 5, le 16 et le 14. La dernière minute, c'est le 16 à Rigal de Ginet. Le temps pour cet après-midi, de la grisaille avec quelques éclaircies sur la moitié nord du pays. Mais avec une nouvelle arrivée de la pluie, ça sera dans le Finistère en fin de journée. Sur la moitié sud, le ciel sera plus lumineux. Du soleil de la Méditerranée aux Alpes et aussi sur le sud-ouest. Les températures, 4 à 8 degrés dans l'est, 7 à 14 degrés ailleurs, jusqu'à 18 degrés en Corse. Fabriqué en France, les oreillers et couettes. Colanormand vous apporte une récupération optimale. Oreiller et couette Cola Normand, chaque matin, partez gagnant. 10h, 3 minutes, bonne journée à tous sur RTL et on retrouve Julien Courbet. Oui, j'ai vu vos pronostics de tiercé, il y a, oui. C'est pas très, il y a, oui, alors vous c'est, mettez vainqueur d'été, Bikézer le 3, mais ISF, vous pourrait, très bien, ISF ouais. Pourrait très bien être à l'arrivée, CSG. Le 24, CSG, lui, je n'y crois pas trop, j'ai peur qu'il ne soit pas à l'arrivée, sinon... Gilet jaune. Ah, gilet jaune, vous sentez bien, gilet jaune à la corde pourrait très bien prendre la première place. À tout à l'heure, 11h, émission qui a démarré sur les chapeaux de roue. Si vous n'étiez pas là à 9h30, il s'est passé beaucoup de choses. Voici le point info. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Céline, nous avons démarré avec Marie-Françoise. Alors Marie-Françoise, c'était pardon, juste avec un instant. Véronique. Véronique a signé un devis de 495 euros avec un plombier, mais elle est débitée de 2000 euros. Et sur la facture, surprise, ce n'est pas très, sa signature. Alors, il se passe plein de choses parce qu'à l'instant même, Hervé Pouchet, nous avons quelqu'un en ligne. Je pense que c'est intéressant d'écouter monsieur qui représente la société Pruvot parce qu'il a des choses à nous dire. Je lui ai expliqué tous les éléments que nous avons évoqués à l'antenne. Je vous écoute, monsieur. Merci de nous parler. Nous sommes en direct, je vous le rappelle, sur la radio RTL. Je vous écoute. Alors, comme j'ai dit à votre collaborateur, donc moi je parle au nom de la société Pruvo France Service. Le problème, c'est que nous, on a un devis et une facture, et un autre devis et une autre facture d'un montant total de 2495 euros. L'intervention, comme j'ai expliqué à votre collaborateur, ne peut pas être de 400 et quelques euros, étant donné qu'il y a eu l'intervention sur un robinet, sur des soudures, sur du cuivre, avec déplacement, main d'œuvre, majoration de nuit, donc c'est pas possible. Les factures et devis ont été signés par le client. Maintenant, comme j'ai dit à votre collaborateur, si votre client, effectivement, aurait dit « je pensais pas que ça allait me coûter autant, c'est vrai, il était tard, ça m'a coûté tant », j'aurais trouvé, quoi qu'il arrive, par rapport à la société Pruvo France Service, je pense que le gérant aurait trouvé la solution, et il y a longtemps qu'il se sera arrangé avec le client. Alors, monsieur... Si vous avez un client qui vous dit non, mais moi j'ai rien fait, c'est pas moi. Mais monsieur, nous ne donnons pas raison. Nous ne donnons pas raison au client, nous essayons de comprendre. Et il y a un problème, c'est sur la signature du devis, monsieur. Car, Véronique, est-ce que c'est vous qui avez signé le devis ? Le premier à 495 euros quand le plombier oui. était là, logique. Répondez-moi par 480... oui ou non. Et le deuxième ? Oui. Le deuxième, sûrement pas, à 2000 voilà. euros. Or, non, monsieur, attendez, Véronique, s'il vous plaît, faites pas de longue phrase parce que monsieur va pas rester longtemps en ligne. Le deuxième devis, monsieur, il s'avérerait. Que ce n'est pas elle qui l'a signé. Il s'avérait que ce soit quelqu'un d'autre. Donc, dommage, c'est... Eh bien, attendez, dommage, monsieur Prévost, laissez-moi finir, monsieur Prévost. Non, mais je voulais Mais laissez-moi juste vous expliquer. Il y a deux solutions. Soit cette dame, elle ment. Elle a signé le devis et c'est tant pis pour elle, je vous le dis. Soit elle ne l'a pas signé et là, ça veut dire que c'est une escroquerie. Donc, il y a deux solutions. Demande d'expertise juridique. Nous, on a aussi un service ici qui s'appelle demandezjustice.com qui va lancer la procédure. On s'aperçoit que c'est un faux, ce qui veut dire, monsieur, que vous fabriquez des faux devis. Et je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est gravissime. Soit c'est elle qui essaie de nous faire croire qu'elle ne l'a pas signé devant des millions de gens qui nous écoutent. Elle est folle et tant pis pour elle, elle paiera. Et puis c'est tout. Maître Novakovic. Oui, tout à fait. Vous direz à votre service juridique, et malheureusement, c'est dommage que le gérant n'est pas là, mais vous direz à votre service juridique qui peut. S'il a un service de graphologie, on le paye, aucun problème. D'accord, mais avec plaisir. Eh ben, écoutez, on fait ça. Est-ce que la solution ? On fait ça. Alors, vous payez le service de graphologie, on va prendre une graphologue, une experte. On lance ça, donc monsieur, on peut lancer ça. Et c'est magnifique. Vous voyez, ça, c'est une réunion. Mais par contre, je tiens à dire devant des millions de personnes au nom du gérant que une fois qu'ils auront fait le service de graphologie, qu'ils auront vu qu'effectivement c'est le client. On le dira. De repasser à l'antenne. Je vous donne ma parole d'honneur, monsieur, que vous passerez sur l'antenne. D'autre part, j'ai une deuxième question. Vous avez ma parole, monsieur, d'honneur, je vous assure. Les millions d'auditeurs qui nous écoutent en sont témoins. Deuxième question. Est-ce que quand vous allez faire des réparations, vous dites au client, c'est l'assurance qui va payer, mais si jamais elle ne paie pas, je vous prends des cautions sur une carte bancaire au cas où ? Non. Il faut arrêter effectivement de payer pour les boîtes de dépannage qui s'amusent, et je dis ouvertement, à raconter ce genre de conneries. L'assurance ne prend pas en charge. L'assurance, elle ne peut prendre en charge, et on le dit, et on ne le dira jamais assez, en général, à 80% la recherche de fuite. Alors, les deux devis sont les suivants pour que ce soit clair pour les auditeurs. Premier devis, recherche de fuite, déplacement, 495 euros. Deuxième devis, forfait soudure plus décapant, majoration nuit, 2000 euros. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, je pense que c'est donc les prix. Un forfait soudure plus un décapant, c'est 2000 euros. On est d'accord, monsieur ? Ça, par contre... Alors, c'est ce qui a marqué sur le devis. Facture. Oui, mais moi, je suis au planning, j'ai répondu. Si vous voulez avoir plus de renseignements... Et ah ben non, monsieur, vous m'avez dit que vous parlez au nom de la société Pruvo. Vous avez facturé un forfait soudure plus décapant 2000 euros. Je vous demande, est-ce que la société Pruvo, quand elle fait une soudure et un décapant, prend 2000 euros ? Et est-ce que tous les plombiers qui nous écoutent en France vont dire... Ça dépend de la soudure, ça dépend... Mais pourquoi vous ne le marquez pas ? Pourquoi vous ne le marquez pas sur le devis, monsieur ? Parce que là, il y a juste marqué forfait soudure 2000 euros. Il y a un vrai décalage entre les deux devis. Et alors, il y a un décalage entre les deux devis, et vous allez voir que les signatures ne se ressemblent pas. Mais, néanmoins, donc, à qui doit-on s'adresser pour lancer l'expertise, monsieur ? Ah bah vous demandez monsieur Pruvot, bon, il vous alors, répondra. Parfait. Donc, alors, envoyez-lui un texto et dites-lui que demain matin, sur l'antenne d'RTL, on l'appelle pour régler avec lui ce problème d'expertise. En attendant, je mets, pour que les choses soient claires pour tout le monde et que nous soyons en toute transparence, avec votre autorisation, les deux devis, les deux signatures sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver. Comme ça, les gens verront que vous êtes des gens sérieux, avec des devis, les prix, etc. Il y a trois devis, parce qu'en fait, curieusement, il y a trois devis. En fait. Il y en a un troisième maintenant qui vient de sortir du chapeau. Alors qu'est-ce qu'il dit celui-là? C'est un nouveau à 495 factures, voilà, suite au devis signé numéro. Ok, on met tout ça en ligne, comme ça tout le monde pourra s'en rendre compte. Et demain, donc, monsieur prévient tout de suite, Julien Pruvot, demain 9h30, nous essayons d'avoir Julien Pruvot en ligne. Merci beaucoup monsieur, on y reviendra. Merci de nous avoir parlé monsieur. Merci, au revoir. Voilà, donc c'est dommage parce que ce monsieur avait plein de choses à nous dire, un peu moins sur la soudure à 2000 €, mais on peut pas avoir toujours des choses à dire, surtout dans une seconde, c'est le Novakovic Show, c'est une nouvelle émission qui démarre. D'accord. À tout de suite, ne la manquez pas. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le Noël d'Élise qui change. Avec 50% en cagnotte sur une sélection de jouets comme la poupée, Baby Alive est malade. 50% Élise. Alors oui, avoir un enfant en plus à la maison, c'est fatigant. Mais l'avantage avec celui-là, c'est que quand il pleure, t'enlèves juste les piles. Dès demain et jusqu'au 24 décembre, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent Baby Alive est malade à 49,90€ plus 50% en cagnotte. Et votre Noël change. Auchan. Soit 24,95€ cagnotte déduite, montant crédité sur votre compte Wahoo, conditions sur Auchan.fr. Étoile rouge PSG, bon alors là faut tout donner pour ce match. Oh, moi je donne tout, je donne mon âme, ma ferveur, j'ai mon porte-bonheur. Cette chaussette a fait la finale de 96, jamais lavée, je donne ma voix. Allez, je me suis même fait tatouer la date du match, oh, je donne tout. Tiens, bah donne un pourboire au serveur alors. Ce soir, le PSG donne tout contre l'étoile rouge. À 21h en multiplex et en exclusivité sur la chaîne RMC Sport. Abonnez-vous à partir de 9€ par mois sans engagement. Appelez le 1055, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, 9€ par mois pour les abonnés mobile et box de SFR jusqu'au 7 janvier ou 19€ par mois en abonnement digital. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors, sur les devis, bon, ce monsieur, on n'avait plus le temps de parler avec lui, mais revenons quand même un peu sur les devis. Maître Novakovic, vous avez remarqué 3 devis à 3 dates différentes. Oui, alors, il y en a un, il y a marqué AB10, heure de départ, 0h30, 17 septembre. Un autre, AB11, 0h40, 16 septembre. Et un autre, du 15 septembre, 23h, AB11. Voilà. D'accord. Donc, c'est très bizarre. Donc là, il faudra des explications. Deuxièmement, on a pris note, effectivement, on va contacter un expert à la Cour de cassation et la Cour d'appel, on en connaît. On va déjà attendre que monsieur Julien, parce que là, encore une fois, ce monsieur, j'ai bavé, je suis désolé, vous ne l'avez pas vu, mais voilà, tout ceci, peut-être à force de parler de plomberie, de lavabo, moi aussi j'ai eu une fuite, j'ai le joint qui a lâché, donc j'ai un peu de salive qui est arrivée. Oui, c'est gentil, Bernard, je plains tout le monde. Donc, il nous faut parler à Julien Pruvot. Si jamais ça allait devant un tribunal, c'est lui qui serait en première ligne. Donc, ce monsieur a été très sympa de venir nous parler. Quand je lui ai demandé de nous expliquer le devis à 2000 €, il a dit « Ah ben non, mais du coup, ce n'est plus moi qui suis compétent, c'est monsieur Julien Pruvot. » Donc maintenant, on va appeler tous les jours monsieur Julien Pruvot pour qu'il puisse nous donner sa version des faits, parce que les choses sont graves. S'il y a une fausse signature, on est bien d'accord, dites-moi si je me trompe, maître Novakovic, s'il y a une fausse signature, là... Ça vient de l'escroquerie. Ah non, ça s'appelle le faux usage de faux. Du faux usage de faux. Faux usage de faux, c'est très extrêmement grave, c'est du pénal. Et on ne dit pas que c'est le cas. Si ça se trouve, c'est la vraie signature. On ne le dit pas, mais s'il s'avérait s'il s'agissait d'une fausse signature, ce serait dramatique. Mais vous, Véronique, en votre âme et conscience, en direct, car je n'étais pas là et personne n'était là, en direct sur RTL, vous me dites, je n'en ai signé qu'un devis. Ah oui, tout à fait. Les autres, on les a reçus par mail un mois après, voilà. À force de les relancer. Ouais. À force de les relancer, il nous a envoyé une facture. Bah, c'est deux factures, la facture et le devis par mail. Bon. D'ailleurs, on voit bien les... Moi, je serai monsieur Julien Pruvot, je nous appellerai et je trouverai une solution. Je pense que ça serait plus clair et nous allons lui donner cette possibilité. Donc, dès que je l'ai, Véronique, monsieur Julien Pruvot de Pruvot France Service, je vous tiens au courant. D'accord ? Vous ne bougez pas pour l'instant. D'accord. Je vous souhaite une bonne fin d'émission et peut-être que je vous aurai d'ici là. Nous aurons le deuxième cas donc et cette Merci fameuse maison. L'équipe. Nous allons y revenir. Merci à vous. Donc on a vu qu'il y avait eu ces fissures. C'est chez Marie-Françoise. Elle est passée hier dans le 9h30-11h. Elle a fait confiance à un artisan et effectivement des fissures sur tous les murs. Les photos sur Facebook. Alors, elle a reçu des coups de fil, Marie-Françoise, et dans quelques instants, elle va nous en parler. Les fissures de Noël. Le Père Noël ne vient plus par la cheminée mais par les fissures. Et il peut se glisser derrière les plaintes maintenant. Il est fort. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Take a look in a 5 and 10. Glistening once again. With candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hobbling boots and a pistol that chooses the wish of Barney and Ben. Dolls that we talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning. as well, the sturdy kind of dogs in my the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. On your own front door. Ciao. Une chanson de Noël signée Louane, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, extrait de la réédition de l'album Louane de Louane, qui a été élu par le jury des auditeurs d'RTL, album RTL de l'année. Donc, nous revenons. Allez, Marie-François, c'est à vous maintenant, je vous le garantis. Vous êtes en ligne ? Oui, absolument. Donc, il y a cette maison que vous avez fait construire, une maison qui vous a coûté, mais c'est le prix d'une maison, 200 000 euros, à peu près. Et rapidement, il y a des espaces d'un centimètre qui apparaissent entre le sol et les plaintes. Le constructeur vient boucher les trous avec de l'enduit et se montre rassurant. Les ennuis ne font que commencer. En 2014, ce sont carrément des micro-fissures qui apparaissent sur toutes les façades extérieures. Au bout du compte, qu'est-ce que l'on peut penser, Maître Fellonneau ? Ben maintenant, ces fissures sont devenues des véritables lézardes et certains murs commencent même à basculer légèrement. Donc c'est évolutif et évidemment une évolution qui est inquiétante. Hier, nous avons appelé donc l'entreprise Baldeschi Frères, qui nous a dit, voyez, avec la boîte qui est au-dessus de nous, c'est-à-dire que le groupe Marc. Marc, que vous avez eu finalement. Bien entendu, mais on le groupe Marc m'a dit, mais nous, on fait partie du groupe Valero. Oui, d'accord. Voilà. Alors, au bout du compte, on a eu une dame qui nous a dit, écoutez, voilà, au mois de mai, cette dame nous a envoyé un recommandé en nous disant, faites jouer votre assurance. Nous l'avons fait jouer en octobre. Elle a écrit en mai, il l'aurait fait jouer en octobre, et on a voulu savoir de quelle assurance s'agit-il. Là, la conversation s'est arrêtée. Attendons pour les rappeler de voir ce qu'ils ont dit à Marie-Françoise puisqu'ils vous ont appelé hier après l'émission. Marie-Françoise, je vous écoute. Oui, donc hier après-midi, le service juridique du groupe Marc m'a contactée. Et donc une expertise est prévue dans la semaine 2 de 2019. Alors une expertise à la demande de qui ? Deux, de leur assurance, de quoi ? Maître oui. Fellonneau. Alors ça m'a l'air justement d'être un flou artistique que je trouve tout à fait inacceptable, Julien, parce que nous ne faisons que de demander ce qui est dû au maître d'ouvrage, le constructeur ou les artisans, n'importe qui est considéré comme un constructeur, qui est participe à la construction d'une maison, doit justifier d'une attestation de son assurance décennale. On ne demande rien d'extraordinaire, on ne sait pas qui organise cette expertise. D'accord. Et Marie-Françoise, elle veut avoir son propre expert. Il faut que cet expert se présente pour être convoqué et il se présentera à qui ? À la compagnie d'assurance. Donc, nous allons les rappeler, ils sont certainement en train de nous écouter en ce moment même. Nous allons vous en rappeler dans quelques instants pour simplement, et c'est un dû effectivement, vous savez que c'est obligatoire d'avoir la fameuse attestation d'assurance de l'assurance vous décennale. Vous devez dire à votre cliente qui a payé les 200 000 euros, où vous êtes assuré, et le numéro de police, etc. C'est normal. Elle a besoin de le savoir elle-même pour le prévenir son assurance afin que les experts soient exactement là. Etc. Donc, nous allons vous appeler pour vous le demander dans une seconde, si vous le voulez bien. Et puis, on aura un nouveau cas inédit, apparemment, Céline. Oui, on souhaitait plutôt revenir sur un retour qui s'est passé la semaine dernière. D'accord. C'était Ellie et la salle de sport. 600 euros pour un abonnement. Oui. La salle part en fumée et depuis, on attend le remboursement. Mais oui, parce qu'Ellie, lui, il n'est pas parti en fumée. Hein. Il attend son remboursement. Tout ceci va se passer sur l'antenne d'RTL dans quelques instants. Joyeux Noël à tous. I'm gonna have myself some fun, fun, fun, fun, fun. Carrefour. Chez Carrefour, il y a 10 euros en bon d'achat tous les 30 euros d'achat sur tous les vins et champagnes. Non mais c'est dingue! 10 euros en bon d'achat sur tous les vins et champagnes. Résultat des courses, c'est qui la reine des économies? C'est moi! Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 10 euros en bon d'achat tous les 30 euros d'achat sur tous les vins et champagnes avec votre carte Carrefour. Carrefour. Offre limitée à 90 euros d'achat, bon d'achat valable du 17 au 23 décembre, hors carburant, drive et service. Modalité magasin participant sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Avec les services Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, grâce à l'assurance 24 heures mobile, j'ai pu remplacer mon mobile que tu as cassé quand il est passé sous ta luge. Bah moi, avec l'assurance 24 heures mobile, le mien a été remplacé en 24 heures quand tu l'as fait tomber dans la neige. Oui, bah j'aurais bien voulu qu'ils en profitent pour te remplacer. L'assurance 24 heures mobile Orange remplace votre mobile en 24 heures en cas de casse, vol ou oxydation à partir de 2,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Assurance du mobile utilisé sur la ligne Orange. Engagement 12 mois. Contrat d'assurance souscrit par Orange auprès de Cardiff. Conditions en boutique et sur orange.fr. Le passé simple vous tourmente? Les pléonasmes vous agacent? Les règles du pluriel vous déroutent? Retrouvez toutes ces excentricités de la langue française et bien d'autres dans le livre de Muriel Gilbert, Un bonbon sur la langue. Eh oui, amis des mots, le français est compliqué, mais vous découvrirez qu'il est surtout savoureux, acidulé, coloré, sucré, comme un bonbon. Il est aussi parfois farceur et surprenant. Un bonbon sur la langue, une friandise pour tous les gourmands de la langue française. À la librairie Vuibert. Avec RTL. Et si on parlait Renault Occasion? Chérie, montre à Martin nos photos de vacances. Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud. Ça a l'air beau ce village, enfin derrière votre Clio. Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion. Ah oui, on peut pas la rater là. Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, vous préférez quoi, l'aile ou la cuisse? C'est pas tes oignons, t'es chez Lidl. Eh ben justement, dès demain, pour les repas de fête, ils proposent une pintade de luxe d'environ 1,2 kg. Et puis, il y a un prix aux petits oignons, hein. 4,49€ le kilo. Quoi? La pintade de luxe à 4,49€ le kilo? Ah là, pour nous, c'est cuit, hein. Ah puis, une pintade à ce prix-là, c'est cuit, hein. Et française, la volaille. Aïe. Ben, ça fait mal, je sais, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 4,49€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. J'annonce qu'il va y avoir du lourd cette semaine au niveau cadeau, car vous allez jouer, vous pouvez appeler dès maintenant d'ailleurs pour être les premiers, puisque ce sera un tirage au sort. Il va y avoir un voyage exceptionnel en Guadeloupe à gagner. Le tirage au sort aura lieu vendredi en fin d'émission. Nous vous offrons un voyage donc à l'hôtel 4 étoiles Creole Beach Hôtel et Spa en Guadeloupe, et vous voyagerez avec cette grande compagnie aérienne qui est Corsair International. Vous partez à 2 pour 6 nuits. Alors vous faites le 32-10 ou bien par SMS vous envoyez CPVA au 74-900. Tirage au sort vendredi en fin d'émission. Bonne chance. Nous sommes toujours donc sur le cas de la maison avec des fissures. Marie-Françoise qui a payé plus de 200 000 euros à un artisan pour une maison. La maison est pleine de fissures. Toutes les photos sont sur Facebook. Nous avons donc essayé d'appeler hors antenne l'entreprise. Pour ceux qui étaient là juste avant, nous avons expliqué que nous les avons eu hier au téléphone et que nous attendons. Alors ça a l'air de bouger puisqu'ils nous ont appelé l'auditrice en disant bon, on va faire une expertise, mais elle a besoin de connaître le nom de l'assurance. Et c'est une obligation d'ailleurs de celui qui a construit la maison. En est-on, Hervé ? Eh bien, vous m'avez demandé d'appeler le groupe Marc à partir du moment où j'ai eu l'assistante qui répond au téléphone. Elle m'a dit, vous êtes RTL ? À partir du moment où j'ai demandé le service juridique, et elle m'a donné la réponse suivante. Le groupe Marc ne souhaite plus intervenir à l'antenne. D'accord. Nous venons de vous envoyer un mail. Donc, mais sur quoi ? Sur quelle boîte ? Eh bien, écoutez, justement, c'est une boîte concernant RTL. Je vais donner une autre boîte pour avoir le mail plus rapidement. Nous allons voir. Nous demandons donc à l'entreprise, au groupe Marc qui dirige l'entreprise Baldéchi Frères, de bien vouloir nous dire à quelle assurance ils auraient fait leur déclaration après quand même un peu de retard, puisque le recommandé de notre auditrice est parti en mai, donc juin, juillet, août, septembre, octobre. 5 mois après. Pendant ce temps-là, les fissures, bien sûr, ont continué. On n'arrive pas à savoir si oui ou non la déclaration est faite, si oui ou non le chantier est assuré. Apparemment, il le saurait, mais il faut qu'on retrouve ce mail qui est parti, on ne sait pas où. Donc, s'il pouvait nous l'envoyer directement, on gagnerait un temps de ouf. Oui, effectivement. Nous, on veut savoir dans quelles conditions cette expertise. C'est une très bonne nouvelle. On les remercie déjà. Ce serait une expertise contradictoire. C'est parfait. Parce que l'expert de Marie-Françoise, il faut le souligner, Julien, qu'elle a payé de ses ses propres deniers, n'a pas convoqué l'entreprise. Et donc, c'est un constat, en fait, simplement. Et c'est une perte de temps et d'argent, à mon sens. Je voudrais dire à M. Delamotte, qui est le président, ou à M. Jean-Francis Gagnéraud. Je comprends qu'il soit énervé, la radio appelle, donc dans ces cas-là, on dit on répond pas, tant pis pour eux, ils nous emmerdent. Je peux comprendre ça, vraiment. Maintenant, je leur dis la chose suivante. On n'est pas là pour vous embêter, on a autre chose à faire. Il y a juste une cliente qui a fait confiance à votre société. Elle a fait un chèque de 200 000 euros. Aujourd'hui, il y a plein de fissures. Allez voir sur le Facebook, elle ne les a pas inventées. La maison est dans une situation compliquée. Donc, cette cliente, la pauvre, elle a fait construire une maison qui n'est pas en bon état. Il y a eu un loupé, ça peut arriver à tout le monde. Il y a deux solutions. Il y a l'entreprise sérieuse qui dit, comme quand on appelle AXA, comme quand on appelle, dites-moi Alain Hazard, La Poste, toutes ces grandes boîtes. Il y a un problème, ok, tout de suite on le résout parce qu'on veut être les numéro 1. Et puis il y a des sociétés qui disent non, il ne faut pas nous emmerder, voilà. Et c'est idiot. Donc cette dame, la pauvre, elle n'y est pour rien, elle n'a pas à être prise dans cette partie de ping-pong entre RTL et le professionnel. On juste là pour faire le go-between. Aidez-la, elle vous a fait confiance, elle aurait pu aller chez Bouygues, chez Kaufmann & Broad ou chez d'autres. Elle est venue chez vous, elle a une maison fissurée, essayons de trouver ensemble la solution pour que ça aille vite. C'est tout ce qu'on vous demande. Maintenant, si vous ne voulez pas avancer avec le client, parce qu'il aura quand même fallu que ça soit RTL qui appelle pour que vous décidiez de faire une expertise, sinon elle attendrait toujours, soyez sympa, quoi. On fait juste accélérer les choses pour aider les personnes, ça ne va pas plus loin. Après, on ne se parlera plus, il n'y aura aucun souci. Bon, de quoi parle-t-on dans une seconde, s'il vous plaît, Céline ? On reviendra sur le dossier Deli. C'est 600 euros pour un abonnement à une salle de sport. La salle de sport part en fumée et depuis, on attend l'argent. Mais ce n'est pas tout, il y aura la question du jour. Car hier, on s'est aperçu qu'un procès, Maître Novakovic, allait démarrer. Et il va démarrer 14 ans après les faits. 14 ans après les faits, comment est-ce possible ? Maître Novakovic et d'autres personnes vont nous dire pourquoi et les conséquences de tout ceci. Ça va se passer après, on va peut-être marquer une pause et on s'y met après. Donc, qu'est-ce qu'on aura ? Qui on aura au téléphone, en fait ? Alors, on aura un avocat de la partie civile d'une des victimes. Il s'appelle Maître Joël Gauthier. Eh bien, ça marche. Et puis après, donc, on va revenir sur cette salle de sport qui a pris feu. Ok, mais il y avait plein de gens qui avaient pris un abonnement. Alors, il va peut-être falloir les rembourser. Mais pour cela, il faut que la salle de sport soit assurée. L'est-elle ? Oui. On ne sait pas. On aimerait bien savoir, comme dirait Madame Grainverche, qui fait du droit dans sa petite loge derrière son rideau. Tu vas voir qu'ils n'étaient pas assurés, Robert. J'ai l'impression qu'il est énervé, le grand con. C'est comme ça que me définissent les gens quand ils parlent de mon émission, mais c'est affectueux. Vous voyez, souvent dans les aéroports, quand je marche, j'entends sur le bord, comme ça, des gens qui font du dos derrière lui. Pas l'autre con de la télé. Eh bien oui, c'est affectueux dans leur bouche, oui. Vous voulez des nouvelles du groupe Marc ? Je voudrais surtout maintenant que vous me laissiez tranquille. Je vous le dis honnêtement, ça fait 20 ans, on a tout fait. Tout ce qu'on avait à faire, on l'a fait. Laissez-moi tranquille. Oui. Et je vous en donnerai dans quelques minutes. Ben voilà, dans quelques instants, le groupe Marc et ça repart, on y va. On a tous droit au meilleur des Noëls avec Carrefour Market. Je suis invitée chez mes cousins ce soir, je suis trop contente de les voir. C'est super de se retrouver en famille pendant les fêtes, Michel. Ah oui, d'ailleurs j'aimerais leur apporter un petit quelque chose. Eh bien, chez Carrefour Market, jusqu'au 24 décembre, il y a 30% de remise immédiate sur les chocolats Ferrero Collection. Oui, 30%. Et c'est aussi valable sur plein d'autres produits de grande marque. Des chocolats, mais c'est parfait. Du coup, je vais en prendre deux boîtes parce qu'ils sont gourmands. Carrefour Market. La boîte de 48 pièces, 518 grammes. Pour votre santé, évitez de grignoter. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Valentine de Valence rêve de s'offrir un smartphone dernier cri pour Noël. Seulement voilà, vu que le 25, Valentine rêve aussi d'abreuver de cadeaux sa famille, elle se dit que cela va devoir attendre. Eh bien Valentine, non, ne vous privez pas. Pour Noël, chez Bouygues Télécom, le Samsung Galaxy S9 64Go est à 1€ plus 8€ par mois pendant 24 mois grâce au forfait Sensation avec avantage smartphone 70Go. Appelez gratuitement le 3106. Offre soumise à condition, engagement 24 mois, 193€ avec la reprise de votre mobile. Holiday on Ice fête ses 75 ans. Plongez dans la magie du plus grand des spectacles sur glace avec les meilleurs patineurs artistiques mondiaux. Holiday on Ice au Palais des Sports de Paris du 28 février au 5 mars 2019 et en tournée dans toute la France. Plus d'infos sur holidayonice.com. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter l'offre du jour. Alors, ils annoncent quoi pour cet hiver ? Bah, comme d'hab, un foie de canard. Jusqu'au 26 décembre, dans votre Intermarché, le foie gras de canard cuit au torchon Labeyrie Origine France est à moins 40%, soit 20,99€ le bloc. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Bloc de 240 grammes, soit 87,46 € le kilo. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Avec Conforama, Noël est plus beau. Quand on veut finir l'année en beauté, on vous offre jusqu'à moins 40% sur une sélection de déco et luminaires de Noël. Votre intérieur n'aura jamais été aussi beau. Vos invités vont adorer. Conforama, jusqu'au 24 décembre. Magasin ouvert dimanche, voir liste et conditions sur conforama.fr. Il y a toujours une bonne occasion pour commander Flunch Traiteur. Vous venez d'avoir votre premier bébé, ou c'est la première neige de l'année. Flunch Traiteur, quand c'est la fête chez la voisine, ou la flemme de faire la cuisine. Flunch Traiteur, votre fils a eu la moyenne en maths. Flunch Traiteur. Et pour les fêtes sans mettre la main à la pâte, Flunch Traiteur. Toutes les occasions sont bonnes pour commander votre repas de fête en quelques clics sur flunch-traiteur.fr. Jusqu'au 12 décembre, tentez de gagner votre repas de fête. Voir conditions et règlements sur flunchtraiteur.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alerte donc avec Hervé Pouchol qui, il y a quelques instants, nous a dit « J'ai du nouveau dans le cas de Marie-Françoise que Céline nous rappelle maintenant sur RTL. » Un artisan lui a construit une maison pour plus de 200 000 euros et les murs se fissurent de toutes parts. Je rappelle à ces gens-là, comme je l'ai dit au téléphone, qu'on est là juste pour aider une femme qui a payé pour une maison qui est malheureusement maintenant dans un état assez préoccupant et qu'elle a besoin, on ne peut pas organiser comme ça des expertises sans qu'elle connaisse le nom, et c'est une obligation de l'assurance de la société qui construit. Alors, depuis... Est-ce qu'il y a eu du nouveau, Hervé ? Eh bien, c'est Madame Vaillant-Grimbert qui nous écrit et qui nous envoie un petit mail. Je tiens juste à ouvrir une parenthèse. Tout à l'heure, quand j'ai fait Madame Grimbert, c'était pas du tout... Je ne savais pas que cette dame s'appelait comme ça. C'est un personnage. D'ailleurs, c'était Jean Roucas, je crois, qui avait créé ce personnage il y a très longtemps. Madame Grimbert, mais ça n'avait rien à voir. Qu'elle ne croit pas que c'était pour ça, vraiment. Du service juridique du groupe Marc, qui nous a bien envoyé un mail. Notre service gestion de sinistre a pris contact avec Madame Orcelin afin de lui confirmer de vive voix que sa réclamation est en cours de traitement. Notre cliente a été informée de l'avancement du dossier et plus particulièrement du missionnement d'un expert construction par notre assureur, ce qu'elle a apprécié. Bon. Nous avons convenu ensemble de l'organisation d'une réunion d'expertise contradictoire début janvier 2019. Et après échange avec Madame Orcelin, trois dates sont envisagées, le 7, le 9, le 10 janvier. Voilà. Nous avons convenu de la rappeler en fin de matinée. Bien, Maître Fellonneau. Alors, nous sommes rassurés, moi je n'ai aucun doute. On connaît toujours pas l'assurance, voilà. Mais c'est pas ça. Effectivement, on ne connaît toujours pas. Alors moi, ce nom-là, s'il faut une mise en demeure maintenant, demandant à ces constructeurs de fournir l'attestation d'assurance décennale, moi je le conseille à Marie-Françoise de le faire instamment, vous en avez besoin. C'est une lettre recommandée. Lettre commandaire. Eh bien, écoutez, toutes les demandes amiables restent vaines. Bon, donc c'est simple, et je ne vois qu'une mise en demeure. Marie-Françoise, on continue le dialogue avec ces gens-là, parce que maintenant ils ont l'impression de... Enfin, j'ai l'impression que ça va avancer. Maintenant, il faudrait que vous envoyiez une petite lettre commandée d'ici une heure, en leur disant, je vous demande, comme le stipule la loi, on peut peut-être vous trouver un article de loi quelque part. Tout à fait, oui, c'est l'article L243-2 du code de construction. Voilà. Il y a un modèle d'attestation qui est défini par la loi, qui doit fournir tous ses renseignements. Elle doit l'avoir, et cet article dispose que cette attestation doit être systématiquement présentée au maître d'ouvrage avant l'ouverture du chantier. Voilà. Bien. Alors, on fait ça, Marie-Françoise ? Oui, pas de problème. Alors, vous faites ça, ils vont vous appeler en fin de matinée. Je vous reprends demain sur l'antenne d'RTL et vous me dites ce qui s'est dit. On va suivre votre dossier au jour le jour. Vous avez payé pour avoir une maison, vous avez payé cher, vous vous êtes endetté. C'est l'achat de votre vie. Vous avez un crédit, je suppose, sur plusieurs années. On est d'accord ? Tout à fait. Voilà, donc il faut maintenant que vous puissiez avoir une maison qui corresponde à ça. On a le droit de se tromper en construisant une maison. Oui. Je ne connais pas un constructeur au monde qui ne se plante pas à un moment donné en faisant sa maison, comme un constructeur de voitures rappelle les voitures au garage parce qu'ils se sont trompés sur la façon de monter les amortisseurs. Ça arrive à tout le monde. Le tout et le sérieux, c'est quand on répare et qu'on ne laisse pas le client dans la panade. Donc on se reparle demain. Marie-Françoise, attendons qu'il vous appelle, d'accord ? Merci, tout à fait. Je vous fais un bisou, à demain. Bisous, Julien. Céline, dans une seconde, on va parler donc de la question du jour. Certains se posent des questions sur cet effondrement à Roissy. Le procès pour quatre sociétés démarre 14 ans après. Un truc de dingue. Là, tout de suite, c'est Maroon 5. Vous êtes sur RTL. Bonne fête à l'avance. Voici Girls Like You dans le 9h30-11h. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Vous êtes sur RTL, 9h30, 11h, la radio qui vous aide chaque matin par la négociation et qui aide ceux qui en ont besoin. Mais là, tout de suite, les questions se posent. Céline, quelle est la question du jour ? Alors, on va se demander pourquoi la justice est si longue dans un dossier en particulier. Hier, un procès s'est ouvert au tribunal correctionnel de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. 4 sociétés sont jugées pour homicide et blessures involontaires. Le procès s'est ouvert hier, oui, mais les faits ont eu lieu il y a très exactement 5314 jours. C'était le 23 mai 2004. Une partie du terminal 2E de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle s'effondre. Cet accident a fait 4 morts et 7 blessés. L'enquête administrative conclut à un défaut de réalisation et de conception du bâtiment. Et depuis, aucun procès. Des victimes et leur entourage en attente. Alors donc la question, pourquoi est-ce si long ? Pourquoi attendre 14 ans ? On écoute Maître Joël Gauthier, avocat d'une des victimes. Le jour du drame, sa cliente travaillait dans l'aéroport. Elle a assisté à toute la scène. Aujourd'hui, elle a 48 ans et sa vie a été totalement chamboulée. Elle n'a pas été blessée physiquement, mais psychologiquement, elle a été détruite. Ma cliente ne s'est jamais réellement relevé ça. Elle a arrêté de travailler, elle vit chez elle, cloîtrée. Elle a des préjudices, des troubles psychologiques sévères, aucun antécédent avant. Effectivement, le temps qui passe est difficilement justifiable auprès d'une victime. Et c'est un délai qui est parfaitement déraisonnable. Selon Maître Gauthier, dans cette affaire, les délais sont si longs parce que le dossier est très technique. Depuis 14 ans, c'est expertise sur expertise. Plusieurs juges d'instruction se sont succédés et certains protagonistes, comme l'architecte du lieu, sont décédés. Dénouement de cette affaire ce vendredi, date de fin du procès. Merci Céline. Comment explique-t-on, Maître Novakovic, vous qui avez l'habitude de ce genre de gros dossiers, que ce sont les expertises qui sont très très longues à mettre en place quand même? On peut comprendre 3-4 ans, mais là, après tout ce temps-là, vous savez qu'il y a des parties prenantes de ce dossier qui sont décédées entre-temps, parce qu'ils étaient vieux, il y en a qui sont partis à la retraite, ça devient très compliqué. Alors Julien, ce ne sont pas que les expertises, c'est aussi la lenteur profonde et malheureuse de la justice, ce manque de juges également, le fait que des juges, vous l'avez entendu, qui se sont succédés dans le dossier, donc ça amplifie la lenteur de la justice, et très souvent dans ce genre de gros procès, il n'est pas rare que cela dure 15 ans pour être jugé. Parce que rappelons qu'il faudrait dans ce pays peut-être doubler même les juges. Mais il faudrait doubler les juges, il faudrait plus de moyens à la justice. Également, les procès sont plus longs quand il n'y a pas de détenus. Quand il y a des protections quand il y a des détenus, les procès sont jugés en priorité. Donc c'était pas un dossier prioritaire parce qu'il n'y a pas de détenus. Absolument, d'accord. Mais je tiens également à préciser, d'ailleurs à Pontoise, dans le Val d'Oise, ils font la grève, les avocats, parce qu'il y a un vrai problème au niveau de la justice. Il y a actuellement des votes qui s'opèrent qui sont dramatiques pour la justice, pour les justiciables. On essaye de museler les avocats, de les empêcher de défendre correctement, effectivement, leur dossier. Si vous voulez bien, on ouvrira la parenthèse à votre prochaine venue, parce que c'est intéressant. Oui. Apparemment, on ne voudrait plus qu'il y ait d'avocats dans les divorces. Et croyez-moi... Enfin, au niveau des pensions alimentaires... Au niveau des pensions, c'est compliqué, parce qu'il y a des femmes ou des hommes qui peuvent se faire avoir, mais sur toute la ligne. Si vous n'êtes pas bien défendu, vous vous retrouvez... Des deux côtés, hein, d'ailleurs. Vous vous retrouvez... il faut avoir un bon avocat qui vous défend. Les avocats sont là pour défendre, les avocats sont là pour vous protéger, pour préserver vos droits. Et si on muselle les avocats, si on limite leur capacité, leurs possibilités, c'est absolument dramatique pour les justiciables. Céline, dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. On reviendra sur le dossier d'Eli. Eli, c'est 600 euros pour un abonnement de sport. Il ne peut pas aller à la salle parce qu'elle a cramé. En haut, en bas, la Zumba, la brûlée, carbonisée, la salle. Il n'y a plus rien. Mais pourtant, les abonnements, eux, ils ont été payés. Alors, on les rembourse ou pas ? Non, c'est pas la vie. C'est pas la vie, il faut rembourser, c'est tout. On y revient dans quelques instants sur RTL. Le grand jeu RTL de Noël. Jusqu'au 25 décembre, une avalanche de cadeaux déferle sur RTL. À gagner, des MacBook, des iPhone 10, des PlayStation PS4, des iPads, des téléviseurs 4K et des voyages de rêve avec Salah Holidays, le spécialiste des circuits accompagnés à travers le monde. Pour jouer, inscrivez-vous dès maintenant au 3210. prochain rendez-vous pour le grand jeu RTL de Noël, tout à l'heure, dans les grosses têtes de Laurent Ruquier. 50 centimes la minute. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Que me vaut ton appel ? Eh ben en ce moment chez Lidl, ça vaut le coup, hein. Les deux escalopes de veau à griller 3 étoiles sont à 3,49€ les 230 grammes au lieu de 4,58€. 3,49€ les escalopes de veau ? Moins 23%. Oh la vache ! C'est du veau français, et à un prix qui vaut vraiment un petit détour, hein. Eh ben quand tu me verras, c'est plutôt un grand détour, oui. D'accord. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 15,17€ le kilo, origine France. Offre valable jusqu'au mardi 18 décembre. Notre-Dame de Paris célèbre ses 20 ans. Ne ratez pas cet événement. 12 représentations exceptionnelles au Palais des Congrès de Paris à partir du 21 décembre. Réservez dès maintenant avec RTL. Bonjour, bienvenue chez Comme J'aime. Bonjour, j'ai 11 kilos à perdre, mais j'hésite à me lancer maintenant. Je me dis qu'avec les fêtes qui arrivent... Bien sûr que pouvez-vous lancer. Les fêtes, ça se résume à un repas pour Noël et un repas pour le 31, non ? Oui, c'est vrai. Eh bien, je vous garantis que c'est pas deux petits écarts qui vont vous empêcher de perdre du poids avec Comme J'aime. Oui, vous avez raison. Je vais me lancer maintenant. Alors terminez l'année en beauté. Pour perdre vos kilos en trop, faites Comme J'aime. Testez une semaine, gratuite. Appelez le 0800 507 507 0800 507 507 ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Condition de l'offre téléphone, service et appel gratuit. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le Noël d'Élise qui change. Avec 50% en cagnotte sur une sélection de jouets comme la poupée, Baby Alive est malade. 50% Élise. Alors oui, avoir un enfant en plus à la maison, c'est fatigant. Mais l'avantage avec celui-là, c'est que quand il pleure, t'enlèves juste les piles. Dès demain et jusqu'au 24 décembre, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent Baby Alive est malade à 49,90€ plus 50% en cagnotte. Et votre Noël change. Auchan. Soit 24,95€ cagnotte déduite, montant crédité sur votre compte Wahoo, conditions sur Auchan.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous revenons donc sur Élie qui nous avait dit ceci la semaine dernière sur l'antenne d'RTL. Je vous appelle du Val d'Oise. J'ai payé 600€ pour un abonnement de 24 mois dans une salle de sport. Je n'ai pu en profiter que 8 mois car la salle de sport a été incendiée. Depuis, je suis comme d'autres adhérents, j'attends d'être remboursé. J'ai besoin de vous, Julien. Et là, on leur dit, passez par Internet, remplissez un formulaire, Maître Félonneau, mais on est bien d'accord qu'aux yeux de la loi, si ça a brûlé, que j'ai payé un abonnement, il faut au moins me le rembourser ou me trouver peut-être une salle à côté pour pouvoir aller faire mon sport. Ah, mais pas du tout. D'ailleurs, notre ami Éric Lemaire l'a bien reprécisé. S'il y a bien un cas d'exonératoire par rapport à un contrat, c'est le cas de force majeure, et l'incendie est souvent qualifié de force majeure. C'est-à-dire que déjà, votre contradicteur, lui, il perd tout. Il ne va pas en plus vous rembourser. D'ailleurs, en général, il y a un dépôt de bilan, puisque tout est paralysé. Donc il ne peut rien demander ? Non, c'est pas ça, justement. Moi, ce qui m'a intriguée dans ce dossier, c'est qu'au lieu de dire « Ah ben, désolé, c'est un cas de force majeure, etc. », ils mettent en place une procédure de remboursement. Ont-ils souscrit une assurance non obligatoire qui serait, par exemple, liée à une perte d'exploitation avec un remboursement prévu pour les adhérents ? On aimerait bien savoir. Encore faut-il avoir le nom de la compagnie d'assurance. Alors, nous avons eu Kevin, le fils de Delphine et Petros Idé, les gérants de la société Ideal Form. Il soutenait que la salle de sport était assurée chez MMA, alors que quand on avait appelé MMA, il ne retrouvait aucun contrat. Où en est-on, Charlotte, s'il vous plaît ? Il nous avait aussi donné le nom d'un courtier qu'on a appelé l'après-midi même avec Hervé Pouchol pour le joindre. Et donc, il est censé détenir ce contrat de ce monsieur. Ce courtier nous a affirmé qu'il y avait bien un contrat, mais il a refusé d'entrer dans les détails et de nous donner le numéro du contrat ou l'état d'avancement du dossier. Vous vous rendez compte qu'on va connaître le meurtrier de Kennedy avant de connaître le contrat pour la maison fissurée et la salle de sport. C'est vraiment les secrets les mieux gardés de la planète. Alors. De mon côté, j'ai rappelé M. Idé, le gérant de la salle de sport. Bien sûr que c'est assuré mes clients. Il n'y a pas de délai. Aujourd'hui, la société a la valeur zéro. Tout a brûlé, il n'y a plus rien. Donc, il faut attendre. Même nous, on n'a pas eu un centime. Nous, en tant que patron, on n'a pas eu un centime. Il y a des enquêtes encore. Donc, ce n'est pas la peine de me demander quoi que ce soit. Il y a 1000 personnes comme lui, il attend. Mais justement, c'est pour ça qu'on voulait voir si on ne pouvait pas, nous, appeler votre assureur pour essayer d'accélérer le dossier. C'est pour vous. Non, il vous a appelé. À partir de là, moi, je ne peux pas donner. Voilà. Mon assurance, il m'a tenu au courant. Il m'a dit, tu ne donnes rien à personne. Ils sont assurés et c'est tout. Point final. Basta. Et il a raccroché. Voilà. Bon. Tu donnes rien à personne. On est une assurance secrète. Personne ne doit nous connaître. On travaille en sous-marin. Bon, voilà. Donc, impossible de savoir si cette salle de sport était assurée. Le courtier dit oui, elle l'est, mais je ne peux pas vous dire à quelle compagnie, comme s'il y avait un souci à donner le nom d'une compagnie. C'est quand même fou. Alors, moi, ce qui m'inquiète dans cette affaire, c'est qu'un incendie, il y a des délais pour indemniser. Alors, il doit y avoir un expert de nommé, puis après une proposition d'assurance, tout ça, ça prend plusieurs mois. Mais je rappelle que l'incendie a eu lieu le 30 octobre 2017. Ouais. Donc, effectivement, les délais sont. Voilà, ouais. Exactement. Donc, moi, j'ai des grands doutes sur la bonne foi. Encore une fois, nous ne demandons qu'une chose, à dire que monsieur, que Delphine et Petros, idée, sont des gens vraiment honnêtes qui font tout ce qu'il faut pour leurs clients. Il suffit qu'ils donnent le nom de leur assurance et on saura tout de suite si ça va s'arranger ou pas. Donc soyez sympas, on y reviendra régulièrement. Monsieur Petros, idée ou madame Delphine, idée. À quelle assurance êtes-vous assuré? Je pense que c'est pas un secret d'État. Un autre élément de réponse que m'a confié le courtier, il m'a dit que c'était très compliqué. Ce dossier était particulièrement compliqué parce qu'il y avait eu plusieurs incendies dans le même quartier et qu'il y a plusieurs enquêtes. Mais ce oui, qui mais expliquerait ça, le délai. Ça, je veux bien le croire qu'il puisse y avoir un an ou deux ans de retard. Honnêtement, après, c'est compliqué de savoir qui a mis le feu et comment. Mais données pour rassurer les clients, ouais. Soyons comme ça tous rassurés avec le nom de l'assurance. Et donc on y revient, si vous le voulez bien, demain ou après-demain. Dans quelques instants, le point info sur RTL et nous reviendrons encore sur un cas, Céline. C'est le dossier de Jacques, 117 heures de retard de vol et la compagnie aérienne qui ne donne pas de nouvelles. C'est pas vrai, vous avez du nouveau? Ah oui, un petit peu. Non, Bernard Sabat, du nouveau. Hein, c'est vraiment la période de Noël. Et à Noël, il se passe des choses miraculeuses. Eh bien, Bernard Sabat aura du nouveau sur un dossier. Merci, Père Noël. Un petit peu. Hein. Oh, c'est vraiment. Et si ça se trouve, il va négocier jusqu'à 8 euros. 10. C'est fantastique, c'est incroyable. C'est l'esprit de Noël sur RTL. RTL. Caroline Dublanche. Parlons-nous. Bonjour, c'est Caroline Dublanche. Chaque soir, de 22h30 à 1h du matin, je vous propose un véritable moment d'échange et de partage au cœur de la nuit. Parlons-nous. Je suis à votre écoute et j'attends vos appels au 09 69 39 10 11. À ce soir. Prix d'un appel local. Parlons-nous. Du lundi au jeudi à partir de 22h30 sur RTL. Chez Leclerc, nos forfaits mobiles s'appellent Réglo. Et c'est Réglo sur toute la ligne. Un nouveau forfait avec appel, SMS, MMS illimité et 40 gigas d'internet à 9,95€ par mois sans engagement, c'est Réglo. Et vous avez la possibilité de faire appel à un vrai service client en magasin. Alors soyons réglo. Mobile. Leclerc. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur réglomobile.fr. Offre soumise à conditions consultables sur le site. Il y a toujours une bonne occasion pour commander Flunch Traiteur. Vous venez d'avoir votre premier bébé, ou c'est la première neige de l'année. Flunch Traiteur, quand c'est la fête chez la voisine, ou la flemme de faire la cuisine. Flunch Traiteur, votre fils a eu la moyenne en maths. Flunch Traiteur. Et pour les fêtes sans mettre la main à la pâte, Flunch Traiteur. Toutes les occasions sont bonnes pour commander votre repas de fête en quelques clics sur flunch-traiteur.fr. Jusqu'au 12 décembre, tentez de gagner votre repas de fête. Voir conditions et règlements sur flunchtraiteur.fr. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter l'offre du jour. Les millions, les millions, les millions, les millions. Aujourd'hui, pour l'achat d'une bouteille AOP Lussac Saint-Émilion Rouge 2017 Expert Club, la deuxième est offerte et c'est seulement jusqu'à ce soir dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Bouteille de 75 centilitres, modalité et magasin participant sur noël.intermarché.com. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... Qu'est-ce qui m'a pris d'organiser Noël chez moi? Entre la déco, les courses, je sais pas quand je vais pouvoir aller chercher mes cadeaux. On vous répond, soyez tranquille. Préparez vos achats sur leroymerlin.fr et retirez-les ensuite en magasin. Votre commande sera prête 2 heures plus tard et vous n'aurez plus qu'à la récupérer quand vous aurez le temps. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Il est 10h49 et 33 secondes. Voici le point info sur tous les cas. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Et nous avons commencé par Véronique qui a fait appel à un plombier. Elle signe un devis de 495€, mais elle est débitée de 2000€. Alors, nous avons eu au téléphone la fameuse Pruvot France Service qui nous a dit, cette dame, elle a signé tous les devis, donc elle n'a rien à dire. Or, cette dame nous a dit, attendez les gars, j'ai signé un devis de 400 euros. Les autres devis qui font monter la sauce à 2000 euros, je ne les ai pas signés. Et s'il y a une fausse signature, ça devient très grave, puisque Maître Novakovic nous explique que c'était du pénal. Donc ce monsieur a dit, écoutez, moi je ne suis pas le gérant, mais c'est monsieur Julien Pruvot qui demain vous dira qu'on paie l'expertise pour voir qui a signé ou pas signé. Alors nous on dit bravo, c'est exactement ce qu'il fallait faire, donc on attend que monsieur Julien Pruvot nous rappelle demain. Et puis j'ai aussi posé la question, est-il vrai que quand vous allez chez les gens, vous leur dites, puisque c'est ce que nous a dit Véronique, l'assurance va vous payer, mais va me payer directement, mais au cas où elle ne me paie pas, je vous prends des cautions bancaires sur des cartes. Et c'est ça qui s'est transformé en 2000 euros et qui aurait pu se transformer aussi en devis signé par quelqu'un d'autre. Ce ne sont que des suppositions. Nous en saurons plus avec cette expertise proposée par Pruvot France Service. Voilà. Écoutez, tant mieux que tout ça se règle dans la bonne humeur, de manière festive et en chanson. Prends la caution maintenant pour le lavabo. ICO, Julien Pruvot, tu vas lui prendre 1000 lots en utilisant sa carte bleue. Alors, la carte bleue, c'est la seule rime que nous avons trouvée. C'est une rime qui est loin d'être riche. Voilà. Vraiment, monsieur Pruvot, je compte sur vous. Votre collaborateur s'est engagé sur l'antenne d'RTL pour qu'on fasse cette analyse graphologique qui va nous permettre de savoir si Véronique ment sur l'antenne d'RTL, et auquel cas ça sera tant pis pour elle, honte à elle, hein, faudra dire les choses comme elles sont, parce que utiliser RTL pour essayer de récupérer des sous, ou alors ça veut dire qu'il y a quelqu'un chez vous qui fait des fausses signatures, et ça c'est une autre paire de manches. Deuxième cas, celui de Marie-Françoise. Une maison construite par un artisan mais des fissures plein les murs. Alors, où en est-on maintenant? Nous avons, nous ne cessons de demander, Maître Fellonneau, d'avoir le nom de l'assurance que nous n'arrivons pas à avoir, Hervé Pouchol. Et pourtant, j'ai envoyé un mail à Madame Vaillant-Grimbert qui ne m'a pas répondu concernant le nom de l'assurance et la référence du dossier. Ça vous arrangerait bien, quoi. Véronique fait une petite mise en demeure. Oui, alors je crois qu'elle va essayer d'abord de les appeler pour leur dire, voilà, je vais vous communiquer le nom de mon expert, je voudrais organiser ça avec lui, donnez-moi le nom de la compagnie d'assurance. S'il refuse, eh bien, elle fera cette mise en demeure d'avoir à fournir premièrement l'attestation d'assurance qui est un document obligatoire qui doit être remis à l'ouverture du chantier. Mais d'ailleurs, pourquoi ça n'a pas été remis, ça? Ben écoutez, je ne sais pas. Elle est là, Véronique? Je ne sais pas si elle est là, non, elle a dû raccrocher. Elle a raccroché, non, ouais. Il faudrait lui demander, d'ailleurs, voilà, sachez-le, demandez-le à chaque fois, pourquoi on ne lui a pas donné? On aurait pu demander ça aussi à nos amis de mars. Bon, laissons-les appeler, ils ont dit qu'ils allaient appeler. Exactement. Demain matin, on est tout près de s'arranger. Entre 9h30 et 10h, encore du nouveau. Dans une seconde sur l'antenne d'RTL. On reviendra sur le dossier de Jacques, 117 heures de retard de vol et une compagnie aérienne qui ne répond qu'aux réclamations qui sont faites en anglais. Et vous aurez peut-être du nouveau, donc, mon cher Bernard Sabat? Oui, j'aurai du nouveau. Le passager Amir est prié d'embarquer immédiatement pour nous chanter sa chanson longtemps, parce que ça fait longtemps que les passagers attendent, 17h. Alors voyons comment nous allons nous sortir de cette histoire de retard. Amir, cet extrait de la compilation Les Hits RTL 2018. Il chante donc longtemps, comme je le disais. Bonne matinée à vous tous. Je veux des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines, pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps, si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Mon évidence, t'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure cent ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai Parole tout jusqu'à de Bernard Sabat. Quand il dit « Je voudrais que ça dure longtemps », évidemment, c'est quelque chose qu'il répète régulièrement, deux fois par semaine, on le rappelle, le lundi et le dimanche, pendant la pub du film. Nous allons maintenant revenir sur le cas de Stéphane. Donc, en deux mots, Stéphane, on parle, vous savez, de ces compagnies low-cost, Bernard Sabat. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a trois compagnies low-cost avec lesquelles il y a des problèmes de remboursement et elles ne répondent pas. Donc, pour vous dire à quel point ce sont des compagnies étrangères. Je tiens à préciser que quand on a un problème sur cette antenne avec la compagnie low-cost française, on peut les joindre. Exactement, que ce soit Off, Transavia, etc., on a des solutions. Je le dis en toute transparence, les choses sont ainsi. Maintenant, sur on a eu Vueling Airlines, ouais. Ils doivent de l'argent à un client. Impossible de les avoir. C'est quoi comme pays? Ça, c'est en Espagne. Vous avez Volotea aussi en Espagne. Et on a aussi la compagnie Wizz Air, qui, elle, donc, est en Slovénie et qui ne fait pas beaucoup d'efforts pour ses clients. Bon, alors, nous avons arrêté. Hervé Pouchol me fait signe, me fait le geste du déodorant. Il voudrait que je rechante. C'était Wizard, c'est Wizard. Alors, maintenant, il y a Jacques. Jacques, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, Jacques, c'est 117 heures de retard de vol entre New York et Paris et la compagnie aérienne qui ne répond pas aux réclamations quand on les fait en français. Alors, on a essayé d'appeler. Hier, vous avez fini par avoir quelqu'un chez Norvégienne qui a dit « Bon, ben, je vais voir ce que je peux faire. Où en est-on ?» Exactement. On a eu Stéphane qui parle très bien le français, qui a averti évidemment de sa direction, de tous ses problèmes. La bonne nouvelle, déjà, c'est que Jacques a reçu une somme d'argent qu'il avait oublié de pointer. D'accord. Ces fameux 392,38 €. Ça, c'est bon, il les a. Très bien. En ce qui concerne le reste, tout a été retraduit par Stéphane de l'agent de réservation en anglais. Pour notre auditeur Jacques, ça c'est la bonne nouvelle aussi. Et le troisième point, c'est qu'ils sont en train de pointer, ils ne sont pas totalement d'accord sur le prix des transferts et des pourboires qui ont été inclus. Mais je ne suis pas inquiet, Julien, ça avance pas ça mal. Ça marche. Allez, tant mieux, ça avance pour Jacques, on lui donnera de bonnes nouvelles dans les jours qui viennent. Carrefour. Chez Carrefour, il y a 10 euros en bon d'achat tous les 30 euros d'achat sur tous les vins et champagnes. Non mais c'est dingue ! 10 euros en bon d'achat sur tous les vins et champagnes. Résultat des courses, c'est qui la reine des économies ? C'est moi ! Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 10 euros en bon d'achat tous les 30 euros d'achat sur tous les vins et champagnes avec votre carte Carrefour. Carrefour. Offre limitée à 90 euros d'achat, bon d'achat valable du 17 au 23 décembre, hors carburant, drive et service. Modalité magasin participant sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Étoile rouge PSG, bon alors là faut tout donner pour ce match. Ah, moi je donne tout, je donne mon âme, ma ferveur, j'ai mon porte-bonheur. Cette chaussette a fait la finale de 96, jamais lavée, je donne ma voix. Allez, je me suis même fait tatouer la date du match, je donne tout. Tiens, bah donne un pourboire au serveur alors. Ce soir, le PSG donne tout contre l'étoile rouge. À 21h en multiplex et en exclusivité sur la chaîne RMC Sport. Abonnez-vous à partir de 9€ par mois sans engagement sur rmcsport.tv. Offre soumise à condition 9€ par mois pour les abonnés mobile et box de SFR jusqu'au 7 janvier ou 19€ par mois en abonnement digital. Leclerc. Chérie, viens voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Le mercredi 12 décembre chez Leclerc. Et ce mercredi-là seulement, 30% de tickets Leclerc sur tout le rayon jouet. Mais non, tout le rayon jouet? Poupées, peluches, jeux de société, pâte à modeler, petites voitures. Oh! Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Le 12 décembre, vous bénéficiez de 30% de tickets Leclerc sur l'ensemble du rayon jouet. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Mercredi 12 décembre, on va jouer chez Leclerc. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Sur RTL. Mannequin, chanteur, pilote, chirurgien, footballeur, astronaute, testeur d'hôtel. Les métiers qui font rêver sont-ils vraiment enviables? L'envers du décor, c'est cet après-midi, de 15h à 16h, dans On est fait pour s'entendre sur RTL. Rendez-vous le